This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Bonsoir à tous. Milky Waves épisode 4. C'est tout de suite maintenant sur votre radio préférée Vibration 107.2 Bruxelles et 91 Mons. Lolo alias Airwave est au micro ainsi qu'au platine de cet épisode. Et pour ce soir, je vous ai préparé un set bien relax pour commencer ce mois de mars. On commence tout de suite avec Master G et Marshland, suivi très rapidement par Stickman Gill et Going Forth. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Thank you. une entrée en douceur avec Master G et Marshlands sur le label Mystic Emotion. C'est donc un label ambient de Mystic Music. Et Stickman Gill, Going Forth. À suivre, DMP. Le morceau s'appelle Colorful Past. Remixé ici par Alex Smith. Milky Waves. Thank you. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était DMP et Colorful Past, un remix de Alex Smith que vous venez d'entendre. Vous êtes dans Milky Waves, l'épisode 4 jusqu'à 21h. Airwave aux platines ainsi qu'au micro. Et on continue tout de suite cette bien relax avec Robert R. Hardy et son Casa Picante. R. Hardy et Casa Picante. À suivre, Michael A. et Dmitri Moloch. Le morceau s'appelle East. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. C'était donc Michael A. et Dmitri Moloch sur le label Sound Avenue, un label bien belge, bien de chez nous, dans le Limbourg. Et je salue Dominique Heining, son manager, au passage. Le morceau s'appelle East, donc. À suivre, un régulier de l'émission. Il s'appelle Yuri from Russia. et son dernier tube s'appelle God of Agrabah. This is Milky Waves. Milky Waves. Yuri from Russia, God of Agrabah au monde. Transprogressive donc. Sur le label de Breeze et Quadrat qui s'appelle Clinic Recordings. Un label que je vous recommande tout particulièrement. À suivre, une production signée Jonathan Ramonda. Elle s'appelle Break Glasses, la version originale. En ce moment, j'affectionne tout particulièrement les productions progressives Breaks. Celle-ci s'appelle Break Glasses, elle est signée Jonathan Ramonda. C'était un extrait donc de son dernier EP qui s'appelle Beta. À suivre, Max Q et son Explicit. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Milky Waves. Production ciné Max Q sur le label L3D Recordings. Ça s'appelle Explicit. C'est donc un peu plus énergique. Lolo alias Airwave est toujours au platine de cet épisode 4 de Milky Waves jusqu'à 21h sur Vibration. Vibration.fm sur internet, 107.1 de Bruxelles et 91 Mons. À suivre, Reniner. Ça s'appelle Dissolve in Your Eyes, remixé ici par Cut Knob. c'était donc Re-Niner, Dissolve in Your Eyes, le Cut Knob Remix. Sur le label Stella Fountain, un autre label que je vous recommande chaudement. À suivre, le retour de Deep Alexander sur Bonsai Progressive avec un remix par Nico Parisi. Le morceau s'appelle Midnight Launch. Milky Waves. Thank you. Midnight Lounge, remixé par Nico Parisi. C'était Deep Alexander sur le label Bonsai Progressive donc. À suivre, Michael A, qu'on a déjà entendu. Son dernier titre s'appelle Hope. Remixé ici par son pote de l'autre morceau qui s'appelle Dimitri Moloch. Alors c'est un super morceau, je vous laisse le découvrir. Michael A et Hope, remixé par Dmitri Moloch. C'était donc sur le label d'un ami à moi qui est au Liban, à Beyrouth pour être exact. Le label s'appelle Vertical et je vous le recommande également. Enfin, pour clore cette émission ainsi que vous souhaiter une excellente fin de soirée, je vous laisse en compagnie d'un disque bien belgo-belge, puisqu'il s'agit du dernier Quincy, remixé par Paul Folder et CP. Ça s'appelle Inbalance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Même endroit, même heure, 20h, 21h sur Vibration, 107.9 Bruxelles, 91 Mons. Passez d'ici là une bonne semaine. Salut!